Dimanche 2 juin, bienvenue chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Les prévisions de croissance économique pour l'exercice 2024-2025 sont de l'ordre de 4,2% selon le Conseil des ministres extraordinaire tenu jeudi de cette semaine. Le projet de loi des finances augmente les recettes et dons ainsi que les dépenses de l'État. Le parti Hanak dénonce le comportement de certains administratifs à la base qui font obstacle aux activités des partis politiques. En Provence Kayanza, on vous parlera d'une trentaine de jeunes filles élèves engrossées au cours de cette année scolaire. Des motards et des enseignants sont pointés du doigt. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Albert Ndouayo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page économie pour débuter cette édition. Le projet de loi des finances 2024-2025 prévoit des recettes et dons de plus de 3 940 milliards de francs burundais contre plus de 3 370 milliards de l'exercice qui touche à sa fin, selon un conseil des ministres extraordinaire du jeudi 30 mai. Dans un extrait du compte rendu du dit conseil, Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement, fait savoir que les dépenses de l'État ont quant à elles connu un accroissement de 16,30%. On l'écoute. La préparation du budget 2024 et 2025 s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des réformes du budget programme engagées par le gouvernement à travers l'élaboration des nouveaux outils de planification. Les prévisions budgétaires de l'exercice 2024 et 2025 sont établies sur base de la prévision de la croissance économique de 4,2% en 2024 contre 2,8% en 2023 et de 5,4% en 2025. Cette reprise de croissance est imputable aux mesures prises par le gouvernement visant la relance de l'économie ainsi que le renforcement de la coopération du Burundi avec ses partenaires au développement. Le projet de loi de finances 2024-2025 est aussi accompagné pour la première fois par des documents de projets annuels de performance. Les recettes et dons passent de 3 371,6 milliards de francs bourg en 2023-2024, révisé, à 3 941,11 milliards de BIF en 2024-2025, soit une augmentation de 16,89%. Les dépenses totales de l'État passent de 3 780,95 milliards de BIF en 2023-2024 à 4 397,46 milliards de BIF pour l'exercice 2024-2025, soit un accroissement de 16,30%. Le déficit global du projet de loi de finances 2024-2025 s'évalue à 456,34 milliards de BIF contre 426,51 milliards de BIF en 2023-2024. Il est expliqué par la hausse du budget alloué à l'investissement selon les priorités retenues par le gouvernement pour booster l'économie nationale ainsi que l'amélioration des infrastructures publiques et la mise en œuvre effective de la politique salariale équitable. À l'issue de l'analyse, le projet de loi a été adopté avec, entre autres, recommandations. Premièrement, identifier dans tous les ministères les secteurs qui peuvent faire entrer des fonds dans le trésor public et en faire le suivi. Deuxièmement, fixer le plafond de l'exonération pour les produits qui doivent l'être, y compris les véhicules. Troisièmement, supprimer l'exonération sur l'éthanol destiné à la fabrication des boissons alcoolisées. Quatrièmement, les fonctionnaires qui ont perçu des salaires indus ont jusqu'au 1er juillet 2024 pour les rembourser. En cas de recours au remboursement forcé, le fonctionnaire se verra infliger une amende de 100%. Cinquièmement, intégrer dans le budget les 2,7 milliards de BIF destinés à la rémunération des nouveaux enseignants. Le même Conseil des ministres a analysé un projet de développement du capital humain au Burundi sous financement de la Banque mondiale à hauteur de 230 millions de dollars ayant pour but d'autonomiser garçons et filles. On l'écoute encore une fois. Ce projet pour un montant de 230 millions de dollars américains sur financement de la Banque mondiale a pour objectif d'autonomiser les garçons et les filles grâce à un meilleur accès aux services de nutrition, de soins de santé et d'éducation de base de qualité au Burundi. Il sera mis en œuvre par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida et le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Le financement sera réparti en trois composantes, à savoir, premièrement, aborder les déterminants de la demande pour l'accès à l'éducation et à la santé tout au long du cycle de vie. Deuxièmement, améliorer l'offre de services d'éducation et de santé tout au long du cycle de vie. Troisièmement, améliorer la gouvernance du système et la gestion du projet. Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement au Burundi. En page politique, certains administratifs à la base bloquent les activités des partis politiques de l'opposition au moment où les administrateurs et gouverneurs les laissent organiser leurs activités. C'est du moins à ce qu'indique le président du parti Irenak, qui demande à ses administratifs à la base de rectifier le tir. Aloïse Barichako l'a dit ce samedi en province Gitega, au moment où cette formation politique avait organisé une réunion de mise en place du comité provincial dans la nouvelle province de Gitega. On l'écoute au micro de Gérard Nibigira. Il y a des réunions qui sont organisées par le forum des partis politiques FDP, qui sont organisées par le ministre et à l'intérieur de ces attributions. Il y a des réunions des ateliers qui sont organisées par la CICB, c'est pour les confessions religieuses, CENAP, il y a BRTP, il y a NMD. Il y a beaucoup d'organisations qui sont en train justement de tenir des ateliers pour justement parler des élections paisibles. Donc au niveau des partis politiques, maintenant les partis politiques s'entendent vraiment, mais au niveau de l'administration, au niveau des provinces, avec le gouvernement, il n'y a pas de problème. Avec les administrateurs aussi, il n'y a pas de problème. Le problème se trouve là à la base, dans les collines et dans les zones. Les chefs de zone, les chefs de colline, souvent, ils ne comprennent pas la cohabitation pacifique des partis politiques. C'est là où il y a un problème. Alors c'est là où nous demandons à l'administration et d'ailleurs surtout au parti au pouvoir de descendre là, dans les militaires à la base, pour leur parler justement qu'il faut organiser des élections paisibles, parce que quand les élections étaient paisibles, quand ils ont été crédibles, ils ont été inclusives, transparentes, équitables, ça crédibilise aussi les institutions qui sortent de ces élections. Donc il faut qu'il y ait une cohabitation pacifique jusqu'à la base. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition. La journaliste Sandra Mohoza de la Nova Burundi est détenue à la prison centrale de Mhimba depuis jeudi 18 avril de cette année. Elle est poursuivie pour deux infractions. Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril de cette année et venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province Ngozi. Sa défense trouve que Sandra devrait être libérée immédiatement. Et le journaliste Kenny Claude Nduimana est détenu à la prison centrale de Mhimba depuis octobre de l'année passée. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il a comparu au mois de mai devant le tribunal de grande instance de Mukaza et après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet de cette année pour cause. Son co-accusé dans cette affaire a été libéré provisoirement et ne s'est pas présenté pour l'audience. Je vous l'annonçais en titre, 35 jeunes filles ont été engrossées sur le banc de l'école en province scolaire de Kayanza cette année en cours. Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, indique que les auteurs de ces grossesses sont principalement les élèves, des enseignants et des conducteurs des taxis, voitures et motos. Cet administratif scolaire provincial à Kayanza appelle toutes les parties prenantes en matière de l'éducation à dénoncer des auteurs de ces violences basées sur le genre faites à ces jeunes filles élèves pour qu'ils soient punis conformément à la loi. Le point avec Patrick Senguiouvre. Selon les données chiffrées fournies par la Direction provinciale de l'éducation à Kayanza, parmi ces 35 cas d'abandon scolaire des jeunes filles scolarisées victimes de grossesses non désirées, 14 cas ont été signalés au premier trimestre de l'année scolaire en cours et 20 autres au second palier de cette même année scolaire. Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, fait savoir que parmi les auteurs de ces grossesses non désirées des jeunes filles élèves, figurent principalement des élèves, des enseignants et des conducteurs des taxis-voitures et des taxis-motos. Cette autorité scolaire provinciale à Kayanza ne mâche pas les mots également, en dénonçant aussi certains dirigeants et religieux qui sont responsables des grossesses non désirées des jeunes filles élèves scolarisées. Désiré Atungimana appelle toutes les parties prenantes en matière de l'éducation à la conjugaison des efforts pour éradiquer ce phénomène des grossesses non désirées en milieu scolaire, arguant que quand une fille scolarisée est victime d'une grossesse non désirée, cela peut gâcher son avenir. Signalons qu'en cette même province scolaire de Kayanza, au cours de l'année scolaire 2022-2023, 50 jeunes filles élèves ont été victimes de grossesses non désirées. Depuis Kayanza, Patrick Nsengyo va pour la radio Isanganiro. De Kayanza au nord du Burundi, rendons-nous en province Gitega, c'est au centre du pays où les bateaux de la sous-colline Bivumani, colline Rukoba, commune et province Gitega demandent qu'ils soient délocalisés pour aller vivre ailleurs. Le motif de leur demande est que l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Bourra a déjà entamé le processus de viabilisation par intégration de cette colline. Ils formulent leur espoir sur le discours du chef de l'État du 5 février. Dernier promettant des terres aux bateaux. Le point avec Gérard Nibigira. Ces bateaux de la sous-colline Bivumani, colline Rukoba, commune et province de Gitega, indiquent qu'ils n'ont pratiquement pas de propriété foncière. Ils expliquent qu'ils n'ont que des huttes ou des maisonnettes sans cour et sans endroit où creuser même des latrines. Ainsi donc, pour eux, le programme d'extension de la ville de Gitega, la capitale politique, vient hâter leur départ vers un endroit non encore connu. Comme la colline Rukoba sera viabilisée par intégration, c'est-à-dire que chaque propriétaire d'intérêt restera avec 53% de la superficie de sa propriété et les 47% reviendront à l'État, ils trouvent que ces chiffres ne peuvent pas être appliqués sur leur terrain qui ne mesure pas même 10 mètres de long sur 10 mètres de largeur. Ainsi donc, ils demandent à l'État et au chef de l'État de leur offrir des terres ailleurs où ils iront vivre. Ils sont prêts à se rendre dans n'importe quelle province, que ce soit Tchankouzo, Ruigi ou ailleurs, insiste-t-il. C'est au moment où, dans son discours du 5 février 2024, lors des cérémonies de la fête de la charte de l'unité nationale, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a promis d'offrir aux Batois des terres. Il a dit que le Burundi est une propriété foncière appartenant à tous les Burundais et que donc même des Batois doivent s'en réjouir de façon équitable avec d'autres composantes sociales du Burundi, du moment que eux aussi son fils et fille du pays. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isangani. Certains des natifs de la province Lumonge demandent à l'agence routière du Burundi de niveler la route nationale numéro 3, surtout le tronçon Magara-Gitaza. C'est après l'annonce officielle du gouverneur de Lumonge ce samedi que les travaux de réhabilitation de cette route dans son tronçon Lumonge-Gitaza sont au point mort depuis plus d'un mois. Dans une réunion de ce samedi, Léonard Niyonsaba, gouverneur de cette province, dit que cette question est en train d'être analysée au plus haut niveau. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Dans ce tronçon de Rumonge-Gitaza, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3 sont au point mort depuis plus d'un mois, au moment où dans son tronçon Rumonge-Nyanzalac, ces travaux avancent à pas de tortue, a déclaré Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, s'exprimant sur l'état d'avancement de grands projets intéressant sa province. C'est dans ce tronçon de Rumonge-Gitaza où les travaux sont au point mort que certains des participants dans cette réunion de ce samedi demandent le bouchage des nids de poules qui compliquent la circulation routière, surtout entre Magara et Gitaza, en attendant le dénouement de la situation. Le gouverneur de Rumonge, qui présidait cette réunion, promet de soumettre cette question à l'autorité compétente, tout en précisant que la suite a réservé à ce projet qui était exécuté par le groupement Sogeas Atom Jetra est en cours d'analyse à l'échelon national. Pour rappel, le ministre des infrastructures, des équipements et des logements sociaux lors de sa descente sur son chantier en février de cette année avait déclaré que pour lui, la demande du montant additionnel réclamé par ses entreprises était inacceptable et que même le contrat pourrait être résilié, tout en rassurant que l'agence routière du Burundi devrait tout faire pour garantir la praticabilité de ce tronçon. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Très bon dimanche.